On va parler de la Ligue nord-américaine de hockey avec notre ami Gilles Péloquin, monsieur Ligue nord-américaine. Bonjour Gilles. Bon matin, bonne journée. Gilles, je veux te parler d'abord de Karel Saint-Laurent. C'est le Karel Saint-Laurent qui est évidemment le Canadien qui a rappelé Charlie Lindgren, qui fait en sorte que on avait besoin d'un adjoint à Zach Fucale à Laval. Et on s'est tourné, au lieu de se tourner vers la East Coast, on s'est tourné vers la Ligue nord-américaine de hockey. Je trouvais ça intéressant. Et on a donné la chance à Karel Saint-Laurent. Est-ce que ça peut être une tendance, ça? Ça peut être une tendance dans le sens que la nouvelle est tombée à 15 heures le vendredi après-midi. Impensable à ce moment de faire venir le gardien à temps pour le soir, pour le match contre Syracuse à Laval de la East Coast. Donc, on a regardé les options. Le premier cas était le gardien auxiliaire des Marquis de Jonquière, Girard, qui, lui, habituellement, est le gardien qui, en semaine à Montréal, va affronter les tirs au complexe Bell à Brossard des joueurs du Canadien à leur entraînement lorsqu'on donne, si on veut, une vacance, un congé d'une journée, soit à Price ou à Montoya. Ouais. Mais Girard jouait le soir, était déjà en route pour le Saguenay et Jonquière. Donc, qui est le plus près qui pourrait dépanner? Et le nom de Karel Saint-Laurent est sorti avec Sorel. Ça a simplement changé les plans de l'entraîneur-chef, Christian Deschênes, qui a plutôt opté pour son seul match du week-end en Charles Corsi. Puis ça lui a souri parce qu'il a battu en prolongation Saint-Georges 2-1. Et Saint-Laurent a pu vivre un très beau rêve de se retrouver un contrat d'un soir avec une équipe de la Ligue nationale pour sa filiale dans la Ligue américaine à Laval. Samedi, lors du deuxième match en fin d'après-midi, les choses étaient rétablies parce qu'il y avait comme programme double le Crunch de Syracuse et les Rockets de Laval. Ouais. Et samedi, le gardien de la East Coast était arrivé et Saint-Laurent était revenu de son beau rêve chez lui à Montréal. Mais ça a été très bon pour lui. Ça va certainement le motiver. Et c'est une grande première. Il faut remonter au moins à 15 ans dans la Ligue nord-américaine pour voir ainsi la Ligue nationale se tourner les yeux vers une équipe de la Ligue nord-américaine et demander un joueur de remplacement un soir. OK, OK. C'est de valeur parce que je me disais peut-être que ça pourrait être intéressant. Tu sais, il y a des joueurs de la Ligue nord-américaine qui figurent bien, qui pourraient être dépannés, peut-être pas dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine. Là. Je pense ça pourrait arriver. Rousseau qui est en feu, là. Ça pourrait être la même affaire. Oui. Ça pourrait arriver pour les attaquants ou peut-être les défenseurs. Au niveau des gardiens, c'est une exception parce qu'habituellement, les équipes, si on prend l'exemple de Vegas, ils en ont passé 5 en 12 matchs depuis le début de la saison. Et si je parle du 5e, qui est le gardien réserviste à l'Agacé, en ce moment, qui sera à Montréal ce mardi soir, ils ont quand même une bonne panoplie de gardiens. C'est peut-être au niveau des attaquants que les possibilités se veulent qu'un Kevin Veilleux, qu'un Jason, on peut parler d'un James Desmarais à Jonquière, on pourrait parler, je pense par exemple, d'un Charpentier à Sorel, puisse être appelé, comme ça a été le cas de Saint-Laurent un soir, pour être de l'alignement et eux avoir de la chance de jouer, ce que malheureusement Saint-Laurent derrière Fucale n'a pu faire. Et voilà. Bon, donc, il y a de la politique aussi là-dedans. Beaucoup, beaucoup de politique là-dedans. Gilles, le dépisteur, lui, doit pousser, j'imagine, pour que son joueur monte les échelons aussi. Là. Tandis qu'un joueur de Ligue nord-américaine, ben, souvent, c'est des joueurs autonomes. Donc, c'est ça qui doit arriver. Là. Ce qui va arriver, c'est peut-être une équipe comme Laval maintenant, qu'on a une équipe près de Montréal, comme dans le temps, il y a 20 ans passés, on en avait une à Sherbrooke, dans les cantons de l'Est. C'est à ce moment-là qu'une filiale comme le Canadien pourrait demander un joueur de remplacement dans les 12 heures, dans les 18 heures, comme c'est arrivé avec Saint-Laurent. C'est le cas ultime. Chanceux, on l'a reconnu après l'avoir déjà vécu il y a 15-20 ans avec le Canadien de Sherbrooke dans les années 86 à 92. Mais on va peut-être revoir ça. On ne sait pas ce qui peut arriver avec Laval. Et d'autant plus que le gars qui est derrière le banc, c'est un résident d'à peu près, je te dirais, 1 kilomètre de chez moi, en pleine campagne, dans les cantons de l'Est, à Saint-Denis-Brompton, près du lac Montjoie. C'est Sylvain Lefebvre, qui est un gars résident de chez nous, des cantons de l'Est. Donc, Sylvain connaît bien la Ligue nord-américaine. Et c'est peut-être lui aussi qui est derrière cette idée de Saint-Laurent, si on allait poser la question, parce que il connaît notre ligue. C'est un gars qui lit les journaux, qui est d'ici, qui voyage tous les jours. Ça se fait très bien. Moi, je te parle, par exemple, de Sherbrooke-Montréal en 1h15, à Laval, ben 1h30. Donc, Lefebvre est au fait de notre ligue. Et c'est un peu peut-être derrière ça que c'est lui qui a fait l'idée. Ouais. Il l'a choisi. Gilles, je veux te parler de... Il n'y a pas une transaction du côté du coup de Saint-Georges-de-Beauce? Bon, il y en a eu deux au cours des derniers jours. Le coup de FM est un peu la belle surprise en ce moment des deux dernières semaines de la Ligue nord-américaine parce que pendant trois week-ends, l'équipe, en quatre matchs, n'a qu'un point. Dans ses derniers matchs, elle va chercher... c'est un beau 6 points sur 8. Elle en a maintenant 7. Elle rivalise avec Trois-Rivières pour le 5e rang, est à 2 du 3e rang de Jonquière et Sorel-Tracy. Puis il y a 2 semaines à peine, tu m'aurais dit, hey, c'est fini, là. Oublie ça, ils font pas les séries. Ils sont à 9 points de Rivière-du-Loup et de Thetford. Mais non, Tifu, qui s'en va du côté de Trois-Rivières pour Jean-Sébastien Bérubé, ça a donné des résultats dès le dernier week-end. Et aussi, François Ouimet qui s'amène pour Bordeleau, blessé jusqu'en février ou peut-être mars, selon la fracture double du tibia et du péroné qui va prendre du temps à guérir. Il y a aussi l'arrivée de Ryan Sullivan qui n'avait pas de place, lui, avec Trois-Rivières et qui était dans la transaction de Tifu avec Bérubé, qui a joué ses 2 premiers matchs le week-end dernier. Et ajouté à ça, il y a 2 semaines, aussi Sorel qui avait transigé pour choix de repêchage et Evgeny Lourislamov qui n'avait pas joué de la dernière saison, lui apporte avec Sullivan en défensive ce que Ouimet apporte avec Bérubé à l'offensive. J'ai vu le match en prolongation à Sorel vendredi dernier, 2-1. Oui, il y a aussi derrière le catalyseur qui s'appelle Adam Russo. Ce gars-là est la première étoile de la Ligue les 2 dernières semaines. Pourquoi? Son équipe est allée chaque week-end chercher 3 points sur 4, 6 sur une possibilité de 8. Au moment où on se parle, cette équipe-là qui n'avait qu'un point en 6 matchs, n'a pas perdu dans ses 4 derniers matchs réglementaires, 2 victoires et 2 défaites en prolongation. Elle est à Thetford jeudi, elle reçoit Sorel vendredi. Tout peut arriver et Cloutier n'est toujours pas le meilleur marqueur de la Ligue de retour au jeu cette saison. Et on aurait un retour au jeu également pour Toby Lafrance d'ici quelques semaines. Et à venir aussi pour Noël, Tommy Veilleux. Donc, cette équipe renaît à cause de 2 bonnes transactions. Même s'il y a eu une vague de 5 à 10 personnes, et là, tu sembles en avoir 1000, il y en a 5 ou 10 fialeux qui, eux autres, sont pas contents du départ des 2 coachs, veulent à tout prix revoir M. Dean Legesse-Lacoste et ne comprennent pas que les 2 gars qui sont arrivés en fin de semaine, ont fait travailler très bien leurs joueurs, Mario Roy et Christian Labonté, et les gars sont heureux dans le vestiaire depuis, même si vendredi, avant de les voir arriver, ils se disaient « Qu'est-ce qui se passe? » Mais garde, il faut des transactions à un moment donné pour donner une nouvelle chimie à une équipe. Il faut des marqueurs, il faut des défenseurs. On est allé chercher 2 de chaque paire et ça rapporte des dividendes. Et le monsieur, même si on l'a critiqué, Doug Archibald, parce qu'on a dit « il vient du junior », encore là, c'est une fausse nouvelle que j'ai eue au plus haut point. Le gars, il peut être dans n'importe quel calibre, même le midget 3, le junior 3. Ça demeure que c'est du maudit hockey pareil, Danny, et ça à toutes les sauces. Donc, si t'es bon dans un calibre, t'apportes ta science, puis tu peux être bon dans l'autre calibre. Ce qu'a fait M. Archibald, quelques années plus tard, de ce qu'il avait fait avec les Sags à Chicoutimi, dans la Ligue junior majeure du Québec. Et ça, là, ça a transformé l'équipe. L'arrivée d'Archibald derrière, ce que l'on peut dire, l'état-major, pour parler aux propriétaires, leur expliquer comment ça doit fonctionner, arriver avec des nouveaux entraîneurs, des nouveaux joueurs, cette équipe-là a pu l'air folle aujourd'hui. C'est clair. Mais il y a une rivalité entre le junior et la Ligue nord-américaine. Pourtant, il ne devrait pas en avoir une. Pourtant, il y en a une. Il y en a une, pas avec les circuits. Okay. Il y en a une avec plutôt les fafanes. Ça le problème. Okay. Parce que toi, exemple, tu es un adepte de Dean Legesse-Lacoste. Puis là, il n'est pas à Trois-Rivières, tu es en maudit. Il n'est pas à Saint-Georges, tu es en maudit. Il n'est plus à Saguenay, à Jonquière. Il y en a 5-10, là, des fanatiques encore. Ils sont en maudit parce que l'équipe va pas bien là depuis le début de la saison. Elle est championne de saison et de série, puis elle a 4 victoires et 3 défaites. Elle a 9 points, elle est troisième, elle n'est pas première. Thetford est passé devant, Rivière-du-Loup est passé devant. Ben, tu lis les médias sociaux, puis allez donc me rechercher Dean. Mmh. On peut-tu laisser à l'ancien joueur qui est devenu entraîneur la chance de faire ses classes? On peut-tu dire qu'il y a peut-être eu des blessés? Oui, quand on regarde ça sur papier, les Marquis de Jonquière ont un gros pick-up. Oui, ils ont des joueurs bons à toutes les positions. Mais Thetford, c'est aussi bien. Rivière-du-Loup, c'est aussi bon. Sorel, c'est aussi bon. Trois-Rivières, puis Saint-Georges, il y a 6 clubs maintenant. Il y en a 2 disparus. On est allé chercher 10 joueurs par ces 2 formations dans chacun des clubs, plus de très bons choix de repêchage. Donc, il y a une parité. Quand tu joues le vendredi soir, là, parce que c'est maintenant la marque de commerce, les 6 clubs en action, rappelle-toi que tu as 114 joueurs en uniforme et c'est les meilleurs de la profession parce qu'il y en a d'autres qui attendent chez eux et qui n'ont pas de place dans cette ligue-là. Effectivement. Donc, c'est ça. Du côté des Adam Russo est vraiment en feu, ça c'est clair. Les Marquis en fin de semaine, faut en parler pareil, parce que c'est notre équipe ici de la région. Oui, mais là, ils ont des gros matchs en fin de semaine. En fait, il faut pas se surprendre. Il y a vendredi ce match à Trois-Rivières et samedi, c'est Rivière-du-Loup. Donc, dans les faits, tu peux leur donner une victoire ou une défaite. Mais attention de ne pas prendre à la légère Trois-Rivières. Et attention de ne pas se faire surprendre par Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup a eu son premier mauvais week-end de 5 avec 2 défaites en fin de semaine dernière et a été surpris à Saint-Georges et s'est fait surprendre aussi à Thetford. Donc, moi, je pense que Jonquière a un gros week-end. Il ne doit pas laisser échapper 2 points et pas les 4. D'autre part, tu sais très bien que Saint-Georges, comme je t'ai mentionné, à Thetford, et a également Sorel-Tracy. Puis dans l'autre côté, ben Trois-Rivières, lui, comme je le mentionnais, a Sorel-Tracy et Jonquière. C'est très bien préparé le setup, comme on peut dire, cette année, le scénario des matchs. Marc Boivin, j'ai parlé à Marc Boivin, c'est passé, pas satisfait du début de la saison, il mettait à faute sur le calendrier. Puis, Non, moi, je peux pas mettre ça parce que, regarde... Lui peut prétendre, et il a raison, parce qu'il y a moins de foule dans son aréna, peut-être. Ouais. Il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, qu'il ne t'a pas. Mais ça va se récupérer, ça, dit. Oui, parce que, je prends l'exemple de novembre, rapidement, là. Sorel-Tracy est le club le plus pénalisé. Il y a 5 week-ends, si tu additionnes, là, 30 novembre, 1er, 2 décembre. Il y a 5 week-ends. Sorel, là, 3 fois, va jouer 1 match. 2 fois, va jouer ses 2 matchs. Les équipes, par le passé, là, à 40 matchs, et non pas 36, Danny, et à 8 clubs ou 7 et non pas 6, avaient toujours 2 matchs assurés. Je comprends, M. Boivin, de chialer dans un sens puis de dire « Hey, j'aime pas ça parce que il y a eu des week-ends qui a joué un match. » Sorel, lui, écope en maudit 3 fois sur 5 en avant. Et il faut pas qu'il les échappe, ces matchs-là, le seul qu'il joue, parce que tu perds le 2 points, tu dégringoles de 3 à 6 ou de 4 à 5, ça fait tout peut arriver, là. Effectivement. C'est quand 6 matchs, là, c'est peu maintenant, parce que tu as des clubs, là, en fin de semaine, comme Rivière-du-Loup, comme Jonquière, comme Sorel, comme Trois-Rivières, qui entament déjà le quart de saison. Ouais. On tombe dans la 2e portion pour aller à la demi-saison. Hey, c'est quelque chose, là. C'est vite, ça, là. Ouais. Gilles, on se reparle mardi prochain. Avec plaisir. Puis en terminant, je sais que tu n'as pas eu le temps d'en parler, mais tu veux me faire mentionner, Kevin Veilleux a été à l'attaque le joueur du mois pour Rivière-du-Loup dans la Ligue nord-américaine. On a eu Gabriel Girard, le gardien de but de Thetford, qui a été le gardien du mois d'octobre dans la Ligue nord-américaine, et André Bouvet-Morissette, qui a été de Sorel-Tracy, la recrue par excellence du mois d'octobre. Puis cette semaine, mais pour une 2e semaine de suite, on l'a dit, le gars qui est en feu, c'est Adam Russo, puis c'est le bon Adam Russo qu'on a connu par le passé, qui a permis à Saint-Georges de sortir de loin et de se retrouver maintenant avec les leaders de la Ligue. Sur le web, cette semaine, quel match qu'on surveille? Ben, c'est vendredi, c'est à 19h45, parce qu'il ne faut pas oublier le 15 minutes d'avance. Il est sur le site annoncé déjà de la LNH.com et aussi sur mediaendirect.com. C'est Sorel à Saint-Georges. Okay. Donc, ça va être une belle bagarre. Peut-être, là, celui que tu as parlé en début d'entrevue, Karel Saint-Laurent, face à M. Alan Russo. Ça va être un bon match. Effectivement. J.P. Lequin, on se reparle mardi prochain. C'est la Merci, chronique bonne de la semaine. Ligue nord-américaine avec JP.